un coup d'œil aux pénibilités physiques, avec là aussi une stabilisation de ces pénibilités physiques. Je ne crois pas commettre d'erreur en disant cela. Parfois même un recul des postures pénibles ou fatigantes à la longue, le fait de rester longtemps debout, etc. Je passe vite parce que je considère que c'est connu, mais ce que je voulais dire par, ce sont des enquêtes très efficaces pour décrire des évolutions, et c'est souvent à travers ce prisme que l'on saisit, d'abord ces enquêtes. Et les premiers résultats de l'enquête sumaire, en tout cas les seuls que je connaisse pour avoir été fréquenté le site de la DARES, c'est typiquement ça. Hein. Les premiers résultats de l'enquête sumaire 2010 ont été publiés en mars 2012, et ils sont présentés à travers cette problématique de l'évolution des risques professionnels. Ce qui fait que je n'ai rien trouvé sur les différences en fonction du genre, par exemple. On dit, bah, voilà comment les risques ont évolué depuis 2003, enfin depuis 1994 et 2003, mais rien sur ces différences hommes-femmes, avec toutes les difficultés et en même temps une progression de ces enquêtes, je vais aller vite là, pourtant c'est important, sur le fait que ce sont des enquêtes déclaratives. Enfin, sumaire, je pense surtout à la partie d'autodéclaration des salariés et l'enquête de conditions de travail, ce sont des enquêtes déclaratives qui ont à faire face justement à l'obstacle des stéréotypes de genre, à la moindre visibilité, l'objectivation des conditions de travail des femmes. Le fait, par exemple, qu'on sait que les femmes sont beaucoup plus soumises à un travail très répétitif, et pourtant elles le déclarent parfois moins. Enfin, il y a un temps, elles le déclaraient moins. Ou les charges lourdes aussi. On reconnaît aujourd'hui, enfin les femmes reconnaissent, sont plus nombreuses à reconnaître le fait de porter des charges lourdes que par le passé, mais ce sont des choses qui impliquent encore aujourd'hui des biais par le fait que le travail féminin, le travail masculin, là, je vais dire des choses qui vont vous sembler des banalités, mais ils sont toujours saisis à travers un couple d'opposition entre le lourd pour les hommes, le léger pour les femmes, le complexe pour les hommes, le simple pour les femmes, etc., etc. En même temps, ce sont des enquêtes qui permettent aussi de prendre la mesure de la division genrée du travail, de la division des tâches, y compris à l'intérieur d'un même métier. Mais finalement, ça offre une vision très, alors je la qualifie de kaléidoscopique, je crois que j'invente le mot, des conditions de travail. C'est-à-dire, sauf quelques exceptions, quand on lit les résultats de ces enquêtes, on peut lister, alors je vais y venir tout à l'heure, on peut lister les nuisances qui sont plutôt masculines, les nuisances qui sont plutôt féminines, mais difficile d'articuler ces nuisances ou ces pénibilités les unes aux autres. Sauf dans quelques cas où on va avoir de façon sous-jacente une théorie ou un modèle qui va permettre d'articuler beaucoup plus fortement les variables entre elles. C'est le cas par exemple du modèle du job strain, donc de Karasek, qui est utilisé dans l'enquête sumaire. Alors là, j'ai fait un copier-coller d'un article de Régine, où on voit effectivement, donc le job strain, c'est l'articulation entre demande psychologique et l'attitude décisionnelle. C'est-à-dire, par rapport au modèle de Karasek, on oublie le soutien social. C'est ce qui est bien dommage, mais au moins on se focalise sur ces deux dimensions. Et le job strain va concerner, donc c'est le carré, le carré en bas à droite, avec une forte demande psychologique et une faible latitude décisionnelle. Donc on peut situer les différentes catégories socioprofessionnelles dans ces différents carrés, avec donc où on voit que ce que les cadres qui se plaignent beaucoup du stress, en fait, sont finalement peu concernés par le job strain. Hein, ils sont tout en haut à droite, donc ils sont actifs. Effectivement, ils ont une forte demande psychologique, mais une forte latitude décisionnelle qui permet de compenser. On peut situer ainsi les différentes catégories socioprofessionnelles, mais ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est aussi de distinguer les hommes des femmes à l'intérieur de chaque PCS. Les femmes ici étant illustrées par des étoiles et les hommes par des losanges, où l'on voit quand même une plus forte proportion de femmes dans ce carré et plus généralement une demande psychologique et une latitude décisionnelle plus forte pour plus forte, pardon, une demande psychologique plus forte pour les femmes que pour les hommes, à l'exception des cadres, et une latitude décisionnelle plus faible pour les femmes que pour les hommes, à l'exception des employés administratifs. Si on regarde la proportion de salariés exposés au job strain selon le secteur d'activité, donc on voit effectivement que les femmes sont plus souvent exposées au job strain, 28,2% des femmes contre 19,6% des hommes globalement, mais avec des proportions qui peuvent être particulièrement élevées dans certains secteurs d'activité. Je pourrais revenir sur cette diapo qui est peut-être un peu longue à lire, que je commente très rapidement. Si on regarde l'évolution récente, donc là je prends les résultats de Sumer 2010, qui disent rien encore une fois des différences hommes-femmes. On voit globalement une évolution vers davantage de job strain, hein, quelles que soient les professions, il y a davantage de demandes psychologiques et une plus faible attitude décisionnelle, sauf pour les ouvriers qualifiés et dans une moindre mesure les ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles. Mais globalement, le job strain semble progresser, il faudrait ensuite voir dans les résultats qui vont être prochainement publiés ces différences entre hommes et femmes. Alors je disais, oui, une vision kaléidoscopique du genre du mal-être au travail, avec des nuisances masculines, alors voilà, je les cite, un bruit nocif, des températures, soit très faibles, soit très élevées, les vibrations, les produits chimiques, je pourrais y revenir tout à l'heure, parce que je ne suis pas le seul à m'y intéresser ici, les longues durées de travail, un rythme de travail défini par la dépendance immédiate des collègues, et puis les nuisances ou pénibilités féminines, des gestes répétitifs plus de 10 heures par semaine, un travail contrôlé par la hiérarchie ou de façon informatisée, un travail sur écran, les tensioactifs et les produits liés au nettoyage et à la stérilisation, notamment dans les métiers de la santé, un travail plus morcelé, donc plus en contact avec le public, ce qui implique aussi du coup une obligation de répondre à une demande extérieure sans délai, plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. En ce qui concerne les situations fatigantes, station debout, piétinement, hein, on voit que les hommes sont plus soumis à ces situations fatigantes, on voit que les hommes sont plus soumis que les femmes à des postures pénibles, par contre que les femmes sont plus soumises aux contraintes cervicales, qui implique de maintenir une position fixe de la tête et du cou plus de 20 heures par semaine. Bon, on voit ce que ça désigne et pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes. N'empêche, pour les postures pénibles et les situations fatigantes, là, on a des résultats généraux. Si on regarde ensuite la variation à l'intérieur de certaines professions et catégories socioprofessionnelles, on voit que ça peut s'inverser. C'est-à-dire, en particulier, dans les professions intermédiaires de l'éducation et de la santé, les femmes subissent davantage que les hommes une situation fatigante. Et parmi les employés de commerce et de personnel de service aux particuliers, les femmes déclarent, sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, à être exposées à des postures pénibles. Hein. Donc globalement, effectivement, les hommes auraient plus de pénibilité, plus de postures pénibles et plus de situations fatigantes, mais quand on regarde plus précisément à l'intérieur de certaines professions catégories socioprofessionnelles, ça peut s'inverser. J'ai aussi reproduit quelque chose que j'avais vu passer donc dans votre rapport pour la NACT, une manière d'articuler différentes pénibilités avec le risque, un fort risque de TMS selon les PCS et selon justement hommes et femmes. Alors les femmes sont en violet et les hommes en gris. Hein, là. Donc on voit que globalement, ce sont effectivement parmi les ouvrières qui a le plus fort risque de TMS, mais on voit aussi que les causes générales de ces risques TMS ne sont pas les mêmes selon la PCS. Combien de temps il me reste ? Quelques minutes encore. Oui, quelques minutes. Alors, on pourrait aussi évoquer d'autres conditions de travail qui n'apparaissent pas ici, comme parce que je crois que j'ai fini mon diapo. D'autres conditions de travail, en ce qui concerne le temps de travail, il y a différentes choses qui apparaissent globalement, c'est-à-dire des durées moins longues, effectivement, pour les femmes que pour les hommes. Elles sont moins astreintes au travail de nuit, même si c'est en développement, en fort développement parmi les ouvrières. Elles sont plus nombreuses à travailler habituellement en fin de semaine. Elles ont des horaires plus prévisibles, mais un contrôle des horaires plus important que les hommes, des horaires moins décalés et moins alternants, sauf pour les ouvrières. Le travail à la chaîne, parmi les ouvrières, c'est 25% des ouvrières qui travaillent à la chaîne, alors que ça ne concerne que 7% des ouvriers, selon l'enquête conditions de travail de 2005. Enfin, parce que j'ai peu parlé de ce que Karasek appelle le soutien social, on voit que le collectif de travail est beaucoup moins présent pour les femmes, et qui sont davantage prises dans des relations hiérarchiques. elles se font moins aider par leurs collègues, elles déclarent, c'est toujours des déclaratifs, hein, mais elles se font moins aider par leurs collègues, elles ont moins de possibilités que les hommes de coopérer dans le travail, d'échanger avec les collègues dans le travail, et par contre, elles sont plus nombreuses que les hommes à obtenir de l'aide de la hiérarchie, et elles sont moins nombreuses que les hommes à se plaindre de tensions avec la hiérarchie. Donc on a l'image, en tout cas qui ressort de l'enquête conditions de travail, d'un univers de travail des femmes plus restreint et en même temps aussi plus dépendant de la hiérarchie. Je termine sur la pénibilité, puisque j'y ai fait plusieurs fois allusion. On a désormais dans le Code du travail une définition précise de la pénibilité depuis la loi de 2010. C'est, le Code du travail dit, une exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel, et c'est le plus important, susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Alors si je reprends, je fais la promotion du dictionnaire du travail, mais si je reprends une autre entrée, une autre notice du dictionnaire, l'entrée pénibilité rédigée par Serge Volkoff et une collègue à lui, Valérie Pueyo, il distingue trois exceptions du terme. La première exception, elle renvoie effectivement à cette définition du code du travail, c'est-à-dire des contraintes ou des nuisances qui sont rencontrées tout au long de la vie professionnelle et qui peuvent avoir des effets à long terme sur la santé, voire sur l'espérance de vie, ce qui va avoir un lien très direct avec les débats sur les départs anticipés à la retraite, sur les enjeux de compensation. Mais ce qu'ils pointent aussi dans leur article, c'est deux autres façons d'aborder la pénibilité qui ne relèvent pas justement de cette catégorie juridique. La sensation de pénibilité provenant d'un état de santé déficient, donc un état de santé déficient qui peut être lié à, justement au hors-travail et qui va impliquer le sentiment d'un travail beaucoup plus pénible. Et qui là renvoie plutôt à un enjeu de gestion des inaptitudes au travail, de réaffectation, hein, plutôt que les enjeux de fin de vie active. Et puis aussi la pénibilité dans un sens peut-être plus commun des conditions mal vécues par quels que soient les salariés, des conditions mal vécues qui vont influencer le rapport au travail, le souhait de quitter son travail, même si par ailleurs ils sont ou paraissent en bonne santé. Ce qui, là, soulève des enjeux de prévention. Alors, pourquoi je parle de cette dernière... Parce qu'il me semble que là, ça permet aussi, cette dernière exception de la pénibilité, je vais peut-être un peu vite, mais ça permet aussi de tenir compte du fait que hommes et femmes, tout comme salariés âgés et salariés jeunes, ne réagissent pas, non seulement ne sont pas exposés, n'occupent pas les mêmes emplois et ne réalisent pas les mêmes tâches au sein des mêmes emplois que les hommes, mais elles ne réagissent également pas de la même façon aux expositions, pour des raisons qui peuvent être diverses, la biologie, leur parcours, l'extra-professionnel, qui fait que effectivement, les conditions peuvent être plus ou moins mal vécues pour des raisons qui ne seraient pas seulement liées à des causes matérielles précises, hein, qu'on pourrait identifier comme dans le cadre de la première définition juridique des pénibilités. Voilà, je vous remercie. Donc, encore une fois, je réclame votre indulgence. C'était un point de vue de lecteur sans être expert d'aucune de ces questions. Merci beaucoup, Arnaud. Ce que je me demande, c'est si tout au long du séminaire, tout le monde va s'excuser de ne pas être compétent tout en ayant publié des bouquins sur les objets sur lesquels ils interviennent. Ouais, la vulgarisation, c'est autre chose que... Ouais.